Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Paris n'est pas libéré, mais Paris se libère. Madeleine Riffaut, l'été 1993, sur France Culture, témoignait de son engagement dans la résistance, puis de son métier de journaliste, de correspondante de guerre en Indochine, en Algérie, au Vietnam. Paris se soulève. J'étais parmi cette foule qui avait lutté contre l'occupant de la France, dit-elle. Sa rencontre avec Pierre Dex, qu'elle épousera, avec Paul Éluard, Louis Aragon, Claude Roy, ses débuts dans le journalisme, une manière de poursuivre le combat et une façon de survivre. Survivre, l'instinct de vie était fort. Tant de millions de gens avaient perdu la vie. Nous, les survivants, dit-elle, nous voulions un enfant. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve, par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Clauset, deuxième volet, Être survivante, première diffusion sur France Culture, le 3 août 1993. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Bien que l'attaque soit en train de se déclencher. Ah oui, oui, oui, ça tire là-bas, juste à l'entrée de la ville. On voit des petites silhouettes grises qui viennent en longeant les murs. Mais oui, oui, mais ce sont des moches. La barricade vient d'ouvrir le feu. Paris, août 1944. Au radeau sur Glane n'est plus. Arrêtée après avoir abattu un officier allemand sur le pont de Solferino, Madeleine Riffaut est libre. Sous la torture, elle n'a pas parlé. Paris se soulève. Paris se libère. Madeleine Riffaut reprend le combat. Elle a 20 ans et sort de son enfance en résistance. J'étais complètement folle parce que je n'avais peur de rien. Je courais sur le haut des toits, sur le bord des gouttières. Je faisais la guerre. Les miliciens s'étaient réfugiés sur les toits et tiraient sur la foule avec des fusils et des mitraillettes. Alors moi, je faisais la guerre des toits. Alors je courais le long des gouttières. J'avais pas peur. Je n'avais aucune crainte de rien. Un matin, j'étais seule au cantonnement parce que tous mes garçons étaient partis aux barricades. J'étais seule avec 3 ou 4 personnes, et puis on m'appelle de l'état-major, et on me dit, Renner, dépêche-toi, tu te débrouilles comme tu peux, tu envoies tous tes hommes au pont de Belleville-Villette, parce que les nazis, les Allemands qui étaient pris au piège des barricades, avaient trouvé un moyen pour s'échapper. Ils avaient frété un train qui partait de Belleville et qui prenait la petite voie intérieure, là, qui allait nous agresser de l'intérieur à la gare de Belleville-Villette. Je ne sais pas si vous voyez la carte, enfin bon, bref. Il y avait un pont qui passe là, au but de Chaumont, même qu'il y a une plaque, il y a toujours, où on dit 4 FTP, on stoppait l'avance allemande, etc. Parmi les 4, il y a votre... Madame Riffaut. Il y a moi, oui, bon, enfin, alors... moi, je suis embêtée, j'ai eu 3 hommes avec moi, ils voulaient que je fasse, enfin bon, dépêchez-vous. On m'a même dit que ce train était blindé. C'était tout à fait faux, il n'était pas blindé, c'était un train. avec 80 occupants dedans. Bon, alors, j'ai pris une voiture, une traction avant. Mon meilleur tireur qui était là, qui s'appelait Max Renat, j'aimerais bien qu'il m'entende pour me donner ses nouvelles, parce que je ne sais pas où il est maintenant. Il avait 17 ans, on avait eu, moi, 20 ans sur les barricades, et lui, 17 ans le même jour. Mais ce cours-là, il ne me donne jamais de ses nouvelles. Alors, il monte dans la voiture avec notre copain Marcel, qui servait de chauffeur, et puis le petit Guy, qui a été tué sur le front de Colmar, par la suite, dans la colonne Fabien. Les quatre mettent dans la voiture des stènes, des grenades à manches, de la ficelle autour, parce qu'on avait été à l'école des dynamiteros de la guerre d'Espagne. Enfin, tout ce qu'on pouvait trouver de trucs qui fait du bruit, et qui, même des fusées éclairantes, on avait tout, enfin, tout ça. On arrive sur le pont, alors là, il y avait un gros monsieur qui dit « Pas de femme ici, pas de femme ici !» Alors, Guy lui dit « Si, c'est notre capitaine, laissez. » Alors, on se met d'un côté, de l'autre, du pont, et on aperçoit effectivement un train, une locomotive, qui arrivait vers nous, en dessous. Alors, on a balancé sur la locomotive tout cet engin hétéroclite que nous avions. Alors, il tirait la mitrailleuse, nous, on tirait de notre côté. Il y a le chauffeur qui était blessé, mais on a fait tellement de bruit que ces pauvres soldats, assez démoralisés, je suppose, parce que dans l'état où ils étaient, ils se sont dit, mais ils sont sans là-haut, c'est pas possible. Ils se sont pas rendus tout de suite, ils se sont repliés, enfin, la locomotive a reculé dans le tunnel. Alors, à ce moment-là, a commencé une joyeuse journée, parce que tout le quartier s'y est mis, absolument, les gardes républicains, les agents de police, toutes les forces de résistance, tous les gens du quartier, ceux qui faisaient de la résistance depuis un quart d'heure, enfin, tout le peuple de ce patelin, ça tournait à la partie de campagne, chacun avait apporté à bouffer pour l'autre, et puis on a fait le siège de ce train, et nos copains de Belleville, à l'autre bout, ils faisaient, paraît-il, le siège à l'autre bout, pour qu'ils sentent pas à l'autre bout. Alors, ça a duré toute la journée. Alors, on a quand même eu un mort, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de faire des conneries. Il y a eu un pauvre garçon qui n'était pas de mon groupe, d'ailleurs, qui n'avait pas d'expérience. On n'a pas pu l'empêcher d'aller voir le train. Il formait une cible idéale, comme vous pouvez l'imaginer, et il a été abattu immédiatement. Alors là, on s'est dit quand même, on ne va pas rester là jusqu'à... Bon, il faudrait que quelqu'un détache la locomotive. Mais personne de nous ne sait. Alors c'est ça, le peuple de Paris. Alors il y a un gars que nous ne connaissions pas, mais qui connaissait bien les fifis, qui nous aimait, nous, ces fifis, et qui a dit « Mais si, j'ai trouvé. Il y a un retraité de la SNCF qui habite là, tout à côté, dans les maisons HLM. Il s'appelle Monsieur Jarreau. Je vais aller le voir. » Alors, on est allé voir Monsieur Jarreau, qui était un monsieur d'un certain âge, qui était en train de faire la vaisselle. Et on lui a demandé s'il voulait détacher la machine. Il a essuyé ses mains au torchon et il a dit « Je viens tout de suite ». Il est venu, il est passé en se glissant, il a détaché la machine, il l'a fait avancer. Et à ce moment-là, les Allemands se trouvaient bloqués dans le tunnel, sans locomotive. Vous voyez ? Tout ça... tranquillement, sans problème. Alors, sans problème, les 80 personnes les 80 Allemands se sont rendus et nous avons fouillé le train, bien sûr, et pris nos prisonniers. C'est-à-dire, ils étaient 80, c'était beaucoup. Et nous, on n'était pas si nombreux que ça. Et alors, on a pris les armes et tout. Alors, on a eu des cigarettes, on a eu des boîtes de conserve. On a eu plein de choses, du chocolat, tout ça. Et puis, il y avait un cheval, on ne sait pas pourquoi il y avait un cheval. Enfin bon, un cheval. Et puis là, quand je dis que j'étais pas si mal que ça, moi, les autres, il y a des gens dans la population qui, quand on défilait avec nos prisonniers, qu'on a amenés à la caserne Ruy d'Hydro, ont voulu les frapper. Cracher dessus, les frapper, taper dessus, tout ça. Et nous autres, les vieux résistants de 18 ans, on a dit non. Et Max, il a pris sa mitraillette, il l'a tournée vers le ventre du français résistant depuis la veille qui voulait venger ses douleurs nationales sur ses prisonniers. Il a dit non, pas ça, pas nous. On n'a pas fait la guerre pour devenir comme les nazis. Si tu le touches, je te bute. On a protégé nos prisonniers. Nous ne les avons pas frappés. Nous leur avons donné à manger. Nous sentions très fort, malgré notre jeune âge, que si nous avions agi autrement, ils auraient fait de nous des bêtes, des nazis, des fachos. Et ceux qui le sentaient le plus vivement étaient justement ceux qui, comme moi, avaient été confrontés à la torture, à tout ça. Chanson. Ils me banderont les yeux avec un mouchoir bleu. Ils me feront mourir sans me faire souffrir. Ils m'avaient tué un camarade. Je leur ai tué un camarade. Ils m'ont battu et enfermé, ont mis des fers à mes poignets. 7 pas de long à ma cellule, et en largeur, 4 petits. Elle est murée, plus de lumière, la fenêtre de mon cachot. Et la porte, elle est verrouillée, j'ai les menottes dans le dos. Tu te souviens ? Soir sur la Seine, et les reflets, le ciel et l'eau. Ils sont dehors, mes frères de guerre, dans le soleil et dans le vent. Et si je pleure, je pleure souvent, c'est qu'ici je ne puis rien faire. 7 pas de long, et puis un mur, si dur, les murs et la serrure. Ils ont bien pu tordre mes mains, je n'ai jamais livré vos noms. On doit me fusiller, demain. As-tu très peur, dis, oui ou non? Le temps a pris le mort aux dents. Courez, courez après le temps. Ceux-là, demain, qui me tueront, ne les tuez pas à leur tour. Ce soir, mon cœur n'est plus qu'amour. Ce sera comme la chanson, les yeux bandés, le mouchoir bleu, le poing levé, le grand adieu. La guerre achevée, vous. Bah, une fois la guerre achevée. Vous n'êtes plus Rainer, vous redevenez Madame. Non, alors là, bon, bah, c'était bon. Vous voulez partir avec la colonne Fabien? Oui, alors je veux partir avec la colonne Fabien. Fabien m'a dit, ma pauvre petite, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu craches du sang, d'ailleurs, tu barres, toi qui allais te soigner. Non, puis écoute, j'ai déjà assez de mal à faire cette colonne. Qu'est-ce que tu veux? C'est fini, parce que c'est fini pour toi, la guerre. Je peux même pas te prendre dans l'appareil de secrétariat pour taper la machine ou tu sais rien faire sauf tirer la mitraillette, c'est tout. Si tu veux, je vais pas. Enfin, ils voulaient pas s'embarrasser de moi, et combien je comprends. Alors moi, mes gars, ils faisaient presque une manif. Ils disaient non, mais nous, on veut qu'elle aille avec nous. Alors, je dis, non, c'est pas raisonnable. Bon, effectivement, c'était absolument pas raisonnable parce que j'étais bonne pour le sana. Alors j'étais démobilisée, soldat de deuxième classe, et youpi. Enfin bon. Oui, alors là, c'est commencé les ennuis. Hein. Oui, ben, un copain m'a prêté sa chambre parce que il partait à la colonne Fabien. Alors il m'a dit, tiens, j'ai mes clés, c'est payé pour 6 mois, rue Royer-Collard. Bon, je ne pouvais plus rien faire. Mes parents, ils m'avaient un peu engueulé. Et puis... Je leur avais dit que je me débrouillais toute seule. Enfin, j'étais très triste. Et puis, surtout, je me sentais très seule, quoi. J'étais mal tombée, j'étais pas entourée comme j'aurais pu l'être. Si, j'avais des gars, mais tous mes copains survivants étaient partis avec Fabien. Même Max, qui est encore vivant, tous. Je ne savais pas trop quoi faire. Puis j'avais des idées de suicide dans la tête. Parce que, vous savez, c'est pas impunément qu'on passe dans ces endroits-là. Je parle de la rue des Saussées. J'aurais voulu mourir. Alors, j'étais dans cette humeur suicidaire. Il y a eu le 11 novembre 1944. Et puis, je suis allée défiler, parce que c'était le premier 11 novembre où on pouvait défiler non clandestinement. Alors, j'avais été interrogée par un journaliste. Un journaliste s'appelait Claude Roy. Claude Roy, il a joué d'ailleurs un grand rôle dans ma vie. Parce que quand j'étais au sanatorium, là, Saint-Hilaire-du-Touvet, là, où sont passés Max-Paul Fouché, un tas de gens, enfin bon. Il était passé, Claude Roy, pour nous faire une conférence en zone nono. Enfin, et puis, il dirigeait un journal semi-clandestin, enfin, un journal des étudiants, je sais pas quoi. Puis, j'avais envoyé des poèmes. J'ai envoyé des poèmes, puis il les avait passés. Il y a même un journal, je disais, enfin, je sais pas, je disais que je voulais donner mon sang, ou des choses comme ça. Et il y a j'ai eu les honneurs du Figaro, ou d'un autre Je suis partout, de l'époque. Il y a un éditorialiste, un billettiste, qui a fait un petit papier sur moi, en ridiculisant ma poésie, en disant, cette pauvre petite, tout ce qu'elle pourrait faire, c'est repeindre le monde en rouge, en donnant son sang. Bon, enfin, bon. Et ça a été le début de mon entrée en littérature, là, en 41. Et puis, Claude Roy, donc, me connaissait un peu, et j'étais très médiatique, en somme. Enfin. Vous étiez la petite fille qui avait tué l'officiel. Moi, je ne me rendais pas compte. Moi, j'étais très malheureuse. Et puis, il faut bien vous dire que parmi les héros de ce temps, j'étais pas la première. Hein. J'étais peut-être la dernière. Enfin, j'étais parmi cette foule immense de héros, hommes, femmes et gosses, qui avaient lutté contre l'occupation de la France. Bon, mais enfin, tout de même, il y en avait un qui avait trouvé un sujet de papier, c'était Claude. Le droit. Je me rends compte que maintenant, je faisais un bon sujet de papier. Alors, il y avait énormément de journaux qui sortaient à l'époque, les journaux issus de la Résistance, Les Étoiles, Ce Soir, je sais pas, enfin, toutes sortes de journaux qui n'existent plus maintenant. Et alors, dans un de ces journaux, Claude Roy écrivait. Et il était venu me voir, et puis il avait fait un article sur moi, qui commençait comme ça, une petite fille aux joues rondes, avec de grands yeux noirs, etc. J'avais été vexée, horriblement vexée. Alors, j'avais écrit, mais c'est pas possible, j'ai pas fait un acte individuel, j'ai fait un acte d'une action de masse, etc. Enfin, j'étais pas contente du tout qu'il ait fait ça. Puis surtout qu'il m'ait traité de petite fille. Enfin, ça m'avait pas plu. Hein. Alors, je vais au 11 novembre. Qui je rencontre? Claude Roy. Elle me dit, bah, te voilà, toi. Bon, écoute, alors, la manifestation se disloque. La guerre continuait toujours. Nos déportés n'étaient pas rentrés. Il y avait des combats partout. Bon, la situation n'était pas si rose. Et à l'angle, il faisait très froid. Et nous étions très mal couverts. Et à l'angle de l'avenue Wagram et de la rue de Troyon, à cette époque-là, il y avait un bar tabac. Et les écrivains qui avaient participé à la résistance par leurs écrits s'étaient rejoints là. Et il y avait Zara, il y avait Aragon, il y avait Luard. Et il y avait Claude Roy. Et moi, suivant Claude Roy, j'arrive là. Et lui me présente à ces éminentes personnes. Que j'étais absolument ébahie de rencontrer, et parce que je leur vouais une admiration sans limite. Et il dit à chacun, ben voilà, je vous présente cette petite fille là qui a battu le fils nazi, petite Anna, bon. Et tout le monde me serre la main, Zara entre, Aragon me salue, il entre parce qu'il faisait froid, et Claude Roy rentre aussi, et puis il reste Paul Éluard. Paul Éluard, lui, me regarde. Et il me dit, dis donc, toi, ça va pas, hein? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, je lui dis, oh, bah, pas grand-chose, quoi. Je J'ai pas tellement de métier pour dire, hein. Puis je me mets un peu à pleurer, quoi. Enfin, j'ai les yeux qui se remplissent de larmes. Il me dit, bon, bah, tu sais ce que tu vas faire. Et alors, il prend une carte de visite qu'il sort de son gros pardessus d'hiver. Il me la met dans la main et il écrit dessus, demain à 10h30. Et il me dit, d'un ton qu'il aurait employé pour une personne en danger de mort, et en effet, j'étais en danger de mort, il me dit, tu viendras demain à 10h30 sans faute. Je te le demande. Naturellement, j'y vais. C'était rue de la Chapelle, où il habitait avec Nouche, qui a été... Je pense qu'on peut dire qu'elle a été la femme de sa vie. Enfin, il a eu trois femmes dans sa vie, Gala, trois femmes pour compter, enfin, Nouche et Dominique, qui est encore en vie, mais Nouche était merveilleuse. Et c'était la femme qui avait vécu avec lui toute la clandestinité. Elle était très belle, très sympa en plus. Et ils m'ont accueillie, ils m'ont ouvert leur maison comme à leur enfant, quoi. Et il faisait ça pas seulement avec moi, il faisait ça avec tout le monde. C'était la bonté même. Alors il m'a dit, bon, écoute, tu sais bien quand même faire quelque chose. Tu avais pas fait des études, quelque chose, tout ça, bon. Alors moi, je rougis jusqu'au blanc des yeux et puis je sors de mon pantalon, ma poche de pantalon, quelques poèmes que j'avais écrits en prison. Et Éluard se dit, m'a raconté par la suite, qu'il s'est dit, ah, ça y est. Ah, c'est la tuile. Elle va me donner des poèmes. Je vais être obligée de lui dire qu'ils sont bons. Ah, flûte, alors, bon. Alors, je lui dis, j'ai écrit quelques poèmes quand j'étais dans la prison, où j'ai recopié, parce que je l'avais mis sur le mur avec une graphite, un morceau de graphite. Alors, il les lit. Et puis, je lui dis, vous savez, quand j'étais à l'école, j'étais première en composition de français. Bon, et il lit les poèmes, puis il me dit, ah, bon. C'est très bien. Enfin, voilà quelque chose que tu sais faire. Tu écris bien le français. Alors, attends, on va réfléchir. Non, ça s'éclaircit, la situation. Bon, eh bien, voilà. Je te fais une lettre pour Louis Aragon, qui est directeur du journal du soir, qui s'appelle Ce soir. Et tu vas devenir journaliste. Et je suis devenue journaliste avec lui. Alors, parmi tant d'années d'amitié, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Bon, je vais retenir quelque chose qui m'a suivi très longtemps et pas forcément dans le bon sens d'ailleurs. Qu'est-ce qui est péché ? Qu'est-ce qui était le péché pour Éluard ? Le péché de l'écrivain. La chose à ne pas faire. C'est-à-dire que, en 1946, Nouche est morte. Pour Paul Éluard, ça a été. Bon, bien sûr, abominable, parce que quand un homme perd la femme si belle, si désirable, si intelligente, la compagne de sa vie, et qui meurt d'un transport au cerveau en 5 minutes pendant qu'on n'est pas là, c'est la mort d'un oiseau. Elle est morte comme un oiseau. Moi, j'ai des oiseaux chez moi. Je peux vous dire, c'est comme ça qu'ils meurent. Un oiseau chante, et puis tout à coup, je me retourne, il ne chante plus, il est mort. Et c'est la mort de l'oiseau. C'est la mort que je nous souhaite à tous, d'ailleurs. Et il a traversé une crise très, très triste où il ne voulait plus voir ses amis d'autrefois, ni Elsa, ni Aragon, ni Picasso. Bon, j'étais parmi les jeunes dont il admettait la présence. Aux côtés d'Alain et Jacqueline, qui étaient ses meilleurs amis, qui étaient des amis de Nouche, déjà un peu plus âgés. Et quelquefois, je venais le voir le matin et il me disait « Bon, écoute, tu vas faire mon marché, voilà 10 francs, tu vas aller m'acheter une rose. » Alors, j'allais acheter une rose. Tu prends pas deux, hein ? Une rose. Alors, il avait toujours une rose dans une bouteille, comme ça. Il me disait, tu vois, tu la vois, elle naît, elle se développe, elle meurt. C'est la rose. Voilà. Un jour, j'ai vidé sa corbeille à papier. Je lui ai fait remarquer qu'elle était bien pleine. Il m'a dit, oui, il faut brûler tout ça. Tant que je ne pouvais pas publier quelque chose de positif qui pourrait aider quelqu'un à avoir un sens à sa vie et l'aider à marcher un peu plus loin, je préfère me taire. Bon, il m'a sauvé la vie, quoi. Parce que, en effet, je commençais seulement à vivre ma dure vie de survivante. C'est pas facile de ne pas avoir été fusillée quand tous les autres l'ont été. Même si, dans les pires cauchemars que l'on fait, on ne peut pas s'accuser soi-même d'avoir fait du mal. J'ai tenté de faire des cauchemars en me disant « J'ai dû donner quelqu'un. C'est pas possible, j'ai donné quelqu'un. » Heureusement pour moi. Vous savez, on m'a dit souvent « Vous en avez eu de la chance, Madeleine Riffaud, de ne pas être fusillée après une histoire pareille. » Je dis oui, j'ai eu de la chance, mais pas celle que vous croyez. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images torées, sur les armes des... Sur la proposition du ministre de la guerre, le président du gouvernement provisoire de la République française, chef des armées, cite, à l'ordre de l'armée, Riffaud Madeleine, résistante des FFI, région de Paris, a participé dès leur création à l'action des groupes de combat des facultés. Arrêté en juillet 1944, après avoir abattu un officier allemand rue de Solferino, a été torturé pendant plus d'un mois à la brigade spéciale et la Gestapo, puis condamné à mort. Libéré par l'insurrection, a immédiatement rejoint son groupe de combat. A attaqué à la grenade avec trois de ses hommes un train allemand en gare de Belleville-Villette, obligeant ainsi à reculer dans le tunnel le train dont tous les occupants purent ainsi être faits prisonniers. Au cours des combats de la République, a mené au feu son détachement et a accompli la mission qui lui était assignée. Toujours à la tête de ses hommes, a donné pendant toute la lutte l'exemple d'un courage physique et d'une résistance morale remarquable. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec palme. Fait à Paris le 26 août 1945. Sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Oui, moi si je me reporte à cette période de ma vie, en 45, j'avais eu 20 ans. En août 44, sur les barricades, je me retrouvais en 45 en passe de devenir journaliste, mais je n'étais pas encore journaliste. J'étais perdue. Tous mes gars étaient en train de continuer la lutte sur le front de Colmar avec la colonne Fabien. Paris avait froid, Paris avait faim, Paris ne mangeait pas encore de marrons dans la rue. Moi, je n'avais pas de métier, je crachais du sang, ma vieille tuberculose m'avait rattrapée et j'étais très, très amérante. Je disais de moi, je suis une amérante. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi, longtemps après, j'ai su qu'il y avait une journée des âmes errantes au Vietnam. Une âme errante, c'est l'âme d'une personne qui a été tuée par mort violente, mais qui n'a pas été ensevelie. Donc, elle est une âme errante. Et je me considérais, moi, qui avais échappé de très peu aux fusillades nazies, comme morte. Et tous les matins, quand je me réveillais, je me demandais si, comment ça se faisait que j'étais encore en vie et pourquoi j'étais en vie. Pourquoi faire ? Vous étiez atteinte, Madame Riffaud, de ce qu'on appelle souvent le syndrome du survivant ? Celui qui n'accepte pas d'avoir doute, survécu ? Sans doute, vous savez, si j'avais été plus âgée, si j'avais eu une famille dont j'aurais dû m'occuper, des enfants, un mari. Les choses se seraient passées différemment, mais j'étais entrée dans la résistance quand j'avais 17, 18 ans. Je n'avais qu'à m'occuper de moi, si vous voulez, et seule dans Paris, parce que je m'étais un peu fâchée avec mes parents à ce moment-là. J'étais très vacante comme ça, et j'attendais beaucoup le retour des déportés, parce que comme mes copains survivants avaient suivi la colonne Rhin-Danube, j'étais seule et j'espérais beaucoup que les femmes qui avaient été avec moi à Fresnes et qui m'avaient fait évader du convoi du 15 août 44 qui est parti pour Ravensbrück allaient revenir. Et j'attendais beaucoup leur retour. Certaines m'avaient donné leur nom. On s'était parlé à travers les murs, à travers les chiottes, à travers les vasistas. Et puis le beau mois de mai 45 est venu. Les Américains ont jeté la bombe sur Hiroshima. Le 6 août 1945. Oui, et après la guerre était finie. Puis bon, les déportés ont commencé à rentrer, quoi. Vous souvenez précisément de cela, des images? Oui, bien sûr, parce que j'allais au Lutetia et puis j'essayais de reconnaître des gens et je voyais sortir ces squelettes ambulants, ces sacs d'os. Moi, j'étais très jeune, je voyais des gens de 40, 50 ans qui cherchaient quelqu'un du même âge et qui ne le reconnaissaient pas. Une mère ne reconnaissait pas sa fille ne reconnaissait pas la mère, tellement ils étaient défigurés par la souffrance. Et puis, c'est à ce moment-là que nous nous doutions, bien sûr, qu'il y avait ces horreurs dans les camps, mais c'est là qu'on en a su toute l'étendue. Et je suis parmi ceux que cela a marqué de façon indélébile. Premièrement, mes copines ne sont pas rentrées. Ces femmes qui m'avaient, en quelque sorte, donné la vie une deuxième fois, qui étaient mes mères, en somme, ne sont pas rentrées. Elles ont été tuées à Ravensbrück. Et à ce moment-là, j'ai commencé à être mal, parce que j'ai mis toute ma vie, c'est seulement depuis, j'ai maintenant 68 ans, c'est depuis 2 ans environ, que je commence à me dire, mais pourquoi tu as fait tout ça? Mais elle ne voulait pas ça. Parce que moi, comme elle m'avait fait évader et qu'elles s'en sont pas sorties et moi si, il me semblait que si elle m'avait fait évader, de préférence, c'est parce qu'elle mettait en moi un espoir immense et que je devais être digne de cet espoir. C'est-à-dire que j'avais un perfectionnisme incroyable et je voulais remettre ma vie sur le tapis vert continuellement. C'est-à-dire que j'en faisais trop. J'aimerais revenir précisément à 1944, 1945. Voilà. Le moment où parmi les déportés qui reviennent, les hommes au pyjama rayé, ce dont vous dites qu'ils étaient des sacs d'os, il y en a un qui s'appelle Pierre Dex, que vous allez épouser, dont vous aurez Là, à ce moment-là, j'étais tombée de plus en plus malade et j'étais tuberculeuse. Alors on m'avait envoyée de nouveau à Combloux, en Savoie, dans une maison pour les étudiants déportés, internés, résistants. Et pendant que je me soignais là, j'ai vu arriver quelques copains que je connaissais pas parce qu'ils étaient plus vieux que moi. Ils avaient 2 ans, ça compte, hein, dans ces cas-là. Pierre Dex, il est de la classe 42. Alors, il a écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Classe 42. Il avait 20 ans, 42. Moi, j'en avais 18. Bon, alors, déjà, lui, il était sur l'affaire depuis 40. Hein. J'avais beaucoup d'admiration pour lui à cause de ça. Et puis, il avait même été sur une liste de fusillés que Arago avait publié clandestinement. On voyait qu'il était fusillé. Puis moi, on avait cru aussi que j'avais été fusillée, même Radio Londres l'avait annoncé. Ce qui a fait qu'on nous mettait toujours l'un à côté de l'autre, on nous rapprochait constamment, on était côte à côte à table, côte à côte dans les réunions, dans les soirées. On voulait nous marier, quoi. On a réussi ? On a réussi, d'autant plus que nos familles, qui étaient toutes institutrices, les deux, étaient tout à fait ravis de voir que leurs enfants allaient se marier, en espérant qu'enfin ils allaient être tranquilles. que si on se mariait, on rentrerait dans la norme. Mais est-ce que c'est ça, être survivant en 45, que de faire un enfant ? Oui, tout à fait, parce que moi j'en étais, où en était la France à ce moment-là, je crois l'avoir dit, mais en France, les jeunes survivants, ils avaient tous eu dans leur vie quelqu'un qu'ils avaient perdu dans la guerre, dans la clandestinité, et qui leur avait fait dire, ou qui leur avait dit en s'en allant, « Je te souhaite d'être heureuse et d'avoir un enfant », comme Manouchian l'a dit dans sa dernière lettre de fusillé. Nous voulions tous faire, on appellerait ça aujourd'hui des mariages de raison, mais c'était l'instinct de vie qui était le plus fort. Tant de copains étaient morts, tant de millions de morts à travers l'Europe avaient donné leur vie. Et nous, les survivants, nous voulions un enfant. D'ailleurs, Pierre, quand il m'a fait sa demande, qui n'était pas du tout préparée par des câlineries ou des danses ou des serments de main et des compliments, il est entré une bonne fois dans ma chambre et puis il m'a dit « Est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble ?» Je lui ai dit « Pourquoi pas ?» Et il m'a dit « Ce que je veux, c'est avoir un enfant. » Je lui ai dit « Moi aussi, je veux un enfant. » Tout de suite. Alors, ça s'est passé comme ça. Alors, on est descendu à Saint-Manger, puis on a dit, ben voilà, nous venons de nous fiancer, nous allons nous marier. Alors, tout le monde était très content. Et puis, nous, on s'était même pas embrassés. On était comme ça, quoi. Alors, on a fait le bébé, tout de suite. Et elle s'appelle Fabienne. Elle s'appelle Fabienne, oui. Elle va bien, merci. Mais c'est pas grâce à nous qu'elle va bien, hein, parce que la vie des femmes et des jeunes filles, notamment, qui sortaient de cette horreur, n'était pas facile. Rien n'était facile pour personne. La France était pauvre, elle avait été sucée jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle des os par l'occupant nazi. Tout était dur pour les jeunes, dont la scolarité d'ailleurs s'arrêtait à 14 ans à l'époque. Ils allaient bientôt partir pour les guerres coloniales. Bon, mais pour nous qui sortions de la clandestinité, nous étions profondément blessés par ce que nous avions vécu. Et la gaieté, la grâce, la légèreté, cette grâce ailée qui avait conduit nos pas alors que nous avions tout donné. La vie était pour nous, la vie et la mort pour la patrie étaient légères comme une plume. Vraiment, et puis tout à coup, tout devenait de plomb. Nous ressentions notre fatigue, nous avions une dépression réactionnelle, quoi. J'aimerais vous faire revenir justement à ce statut de survivante. Alors, quand on lit cette citation à l'ordre de l'armée, ouais. Vous êtes une héroïne, on vous transforme en héroïne. Ouais. Et vous avez dit une fois, Madeleine est foutue pour la vie normale. Oui. On se demande si vous avez réussi à dépasser ce statut de survivante. Vous vous en êtes remise d'être une survivante ? Entre 45 et 62, je n'en étais pas remise. Il faut longtemps, vous savez, pour s'en remettre. Et les événements que j'allais avoir à vivre, c'est-à-dire les guerres coloniales, n'étaient pas faits pour m'aider à surmonter le souvenir des tortures que j'avais subi et vu subir par mes compagnes. Et justement, le motif de notre divorce, car nous avons divorcé très vite, mon mari et moi, c'est très facile de dire pourquoi. Beaucoup de jeunes couples qui se sont formés de cette manière ont divorcé très vite après avoir eu un enfant. En tout cas, pour nous, je me souviens quand même de quelques bons moments de camaraderie plus que d'amour, alors que j'attendais le bébé. Et puis, le bébé est venu et j'étais très heureuse. Et j'avais mon bébé avec moi pour 12 jours à l'hôpital Bichat. Et puis, le 12e jour, on s'est aperçu que le bébé était malade, qu'il était à peine viable. On m'a interdit de l'allaiter. On m'a interdit de le toucher. Et puis un médecin m'a dit, mais vous êtes tuberculeuse. Mais je l'ai été, mais je ne suis plus, je suis absolument guérie. Vous auriez dû nous le dire, mais vous n'aimez pas les enfants, c'est pas possible, pour nous avoir caché une chose pareille. Je ne voulais rien vous cacher, je suis complètement guérie depuis 2 ans, 3 ans. À cette époque, vous savez, la tuberculose, c'était comme le sida maintenant. Hein. On n'avait pas trouvé encore les antibiotiques. Et les bébés, s'ils étaient contaminés, en général, ils faisaient une encéphalite tuberculeuse et puis adieu. Hein. Alors, c'était affreux. On m'a retiré le bébé en m'engueulant en plus. Et l'Office public d'hygiène sociale a pris le bébé et l'a mis... dans une espèce de couveuse, enfin dans une cage de verre. Et Fabienne restait 2 ans là. Elle n'a eu pour la nurser que des femmes en blanc. Et tant mieux, puisqu'elle a guéri et que maintenant elle est une belle et forte jeune femme. Mais pour moi, c'était terrible. Et je m'approchais de la vitre et j'essayais de faire signe à mon bébé. Et... un jour, une infirmière est venue me dire « Madame, partez. Qu'est-ce qu'il en a à faire, votre bébé, de vos signes ? Elle ne vous connaît pas, elle ne vous reconnaît pas, elle ne sait pas qui vous êtes. Allez plutôt dehors, vous nous dérangez. » Alors, cette situation a duré 2 ans. Tout était brisé pour moi, et pour mon mari aussi. Et... nous avions mélangé nos enfers. C'est-à-dire que lui me racontait sa propre histoire dans le camp de Mauthausen. Et moi, je lui racontais la rue des Saussets. Ça ne porte pas un jeune couple à l'érotisme. La rue des Saussets, le siège de la Gestapo. Oui. Si bien que lui, encore, il avait un travail. Il était secrétaire... personnel du ministre de l'air de l'époque, qui était Charles Lutillon, alors que moi, j'avais que mes poèmes, mes nouvelles, mon bébé invisible. Et ça devenait intenable. Et finalement, en 47, un ami commun nous a dit « Mais vous allez rester longtemps comme ça, séparez-vous, mes pauvres enfants. » Et nous sommes séparés, sans nous fâcher, bien sûr. Mais si nous n'étions pas séparés, nous n'aurions pas pu vivre ensuite une vie normale. Quant à notre enfant, après qu'il fut remis sur ses pieds, elle ne marchait pas avant 2 ans, mais enfin, elle a cessé peu à peu d'être rachitique. Personne n'avait eu le bon sens de nous dire « Mais mes pauvres enfants, dans l'état où vous êtes, ne faites pas un autre malheureux sur terre, attendez un peu pour avoir un bébé. » Mais personne ne nous l'avait dit. Et en plus, alors cette fois, moi je me suis sentie complètement rejetée. Les grands-mères s'occupaient du bébé et moi j'avais toujours peur d'être contagieuse et je n'osais pas la toucher. Et puis tout était noir. En plus, bon, il y avait le renversement d'alliances, la guerre froide qui commençait, les grèves, tout était très dur. Et quant à moi, une deuxième fois, j'ai reçu le message. La première fois, bon, Paul Éluard m'avait dit en 45, donc tu seras journaliste, puisque c'est une bonne, mais en 44, ça. Bon. Le 11 novembre. Mais le 11 novembre. Bon. Ou le 12, oui, plutôt. Voilà, mais je n'avais pas vraiment suivi ses conseils, parce que d'abord, j'étais tuberculeuse, et puis il y avait pas, je ne connaissais pas le métier, il fallait l'apprendre. Mais là, j'ai entendu qu'il m'était dit, tu n'es pas une femme comme les autres, tu n'as pas le droit d'être mère, tu fais du mal à ton bébé, eh bien, fous le camp. Tu n'es pas une épouse, tu n'es pas une mère, tu n'es pas... Je ne pouvais plus rien faire d'autre. Je n'étais plus bonne à rien que d'aller proposer mes services quelque part à plus malheureux que moi pour servir de lien peut-être entre des pays très éloignés, le nôtre, où on ne se comprenait pas, et voilà. Et vous l'avez fait en devenant journaliste à ce soir, oui, Louis Aragon. Ça a donné, oui, mais je suis restée pas très longtemps, peut-être un an ou deux, juste comme ça. Mon premier papier signé, c'est très facile de se souvenir de la date, que je n'ai évidemment plus en tête, c'était la mort de Cerdan. Pour la mort de Cerdan. Le boxeur Marcel Cerdan mort dans un accident d'avion. Et toute la rédaction était déjà partie sur cette affaire. Mais il y avait un aspect de ce problème qu'on n'avait pas évoqué. Il y avait dans l'avion de Cerdan une jeune et très talentueuse musicienne qui s'appelait Ginette Neveu. Et on m'a demandé de couvrir la mort de... accidentelle de Ginette Neveu. Alors, on m'a dit, voilà l'adresse de sa maman, tu vas là-bas, tu vois sa mère, tu lui as fait raconter quelque chose, tu lui dis que le journal se met à sa disposition pour, si on a des nouvelles de l'avion, etc. Bon, ça me paraissait vraiment pas évident d'aller dire ça. Bon, enfin, je pars. Et puis, arrivé en bas de l'escalier, j'entends hurler. La mère de Ginette Neveu venait d'apprendre que sa fille était morte. Naturellement, je ne suis pas montée. Je suis tombée dans les bras de la concierge qui pleurait et qui m'a dit et qui m'a raconté toute l'histoire, comment Ginette Neveu apportait toujours les fleurs qu'il avait reçues dans les galas à sa mère, etc. Enfin, j'ai fait tout un article... du pied de la rue, enfin, et puis j'écris l'article, et cette fois on m'a dit, ah, c'est pas mal ton papier, celui-là tu vas le signer. Mais il y a quelqu'un qui l'a, justement, ce soir, quand vous rencontrez Louis Aragon, vous rencontrez aussi Elsa Triolet. Oui. Et elle vous donne un sacré conseil pour devenir journaliste. Oui, ça fait partie des bons côtés de l'époque. Alors, Elsa Triolet m'avait dit, si tu veux être journaliste, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tu n'as qu'à lire deux textes. Chose vue, de Victor Hugo, et Le Nouveau Testament. Et vous l'avez fait ? Oui, bien sûr. Ça m'a appris à les choses essentielles de... Du métier ? Du métier. Moi, j'adorais aller au marbre, j'adorais les téléscripteurs, les rotatives, l'odeur de l'encre. Tout ça, ça a disparu. Bon, mais je téléphonais du bout du monde des papiers, une sténo de presse. Et quand la sténo de presse me disait « Oh, attends, arrête un moment. » Je me disais « Bon, j'ai la liaison, dépêche-toi, qu'est-ce que tu as ?» Mais je pleure. Je me disais, ça y est, j'ai gagné, mon papier est bon. J'aimerais revenir à cette histoire du regard porté. Il faut voir, il faut regarder, il ne faut jamais fermer les yeux, ne jamais les baisser, toujours montrer. Bah oui, vous donnez là une... Mais ça ne suffit pas, il faut savoir ensuite faire passer ce regard. Il faut parler de ce qu'on a vu. Et c'est pas toujours facile, surtout quand le pouvoir n'est pas d'accord avec pour que vous disiez ce que vous avez vu et qu'il a fait. Ça demande, dans des moments de terrible répression de la presse que j'ai connue dans les premiers temps de ma vie de journaliste, c'est-à-dire pendant la guerre, la décolonisation qui s'est faite après deux guerres coloniales, celle de l'Indo. Entre 46 et 54, et celle où 2 700 000 jeunes Français sont allés faire le voyage Paris-Alger, qui a duré de 54 en 62. Et je vous assure que pendant ce moment-là, si on était pour la négociation, pour le cessez-le-feu, et pour donner la liberté progressivement et comme il le souhaitait dans le cadre de l'Union française ou autrement à ses peuples, si on était antiraciste aussi, ben on pouvait le payer de sa vie. Bon, vous voyez, les témoins qui se font tuer, c'est une définition aussi. J'ai vu cela, ça pourrait être une j'ai définition. J'ai vu cela, oui. Vu il y en a une autre que vous avez vous-même énoncée. J'ai pas tout vu, je sais pas tout et je me souviens pas de tout surtout. Il y en a une que vous avez aussi énoncée un jour, c'est « Je suis journaliste », c'est-à-dire une voix au service de ceux qui resteront silence. Mon travail, c'est de de donner voix à ceux qui font l'histoire, mais qui toute leur vie resteront silence. Vous savez ce qu'il faudrait qu'on se dise tous les jours, qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes restés dignes, chacun d'entre nous, de ce que nous étions quand nous avions 20 ans dans les maquis? Est-ce que nous avons gardé notre pureté, notre innocence, notre générosité, notre fraternité? Qu'est-ce que la vie a fait de nous? Les anciens héros, ça pue, hein. Je dis pas tous, hein. Mais je ne crois pas que... Enfin, je suis certaine, c'est tellement évident que c'est certain. On peut avoir été un héros, bien que je n'aime pas beaucoup ce terme. Enfin, qu'on a pu être bien à un certain moment de sa vie, mais 40 ans plus tard, être un vieux con, ou pire que ça. Si on a été au pouvoir, être quelqu'un que le pouvoir a corrompu, et avoir perdu totalement sa pureté initiale. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Frédéric Joly, Édouard Campras, François Rivalan, Maurice Biard, Marie-Christine Closet, Ludovic Cellier. Thank you.